المسلمين عليه رحمة الله ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم فقال في أولهم نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, il continue. Alhamdulillah. Il continue son livre en disant: et nous croyons que les messagers sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah, qu'Allah a honoré avec ou en leur confiant son message. Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés en leur confiant leur message. Mais sinon, ce sont des serviteurs. Ce sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a caractérisés et qualifiés par le qualificatif de la servitude lorsqu'ils se trouvèrent dans les plus hautes des positions et dans la situation la plus élogieuse. Et donc il a dit au sujet de Nuh dans le Coran: et nous avons porté sa descendance, c'est-à-dire dans l'arche, nous avons porté sa descendance dans l'arche de Noé, avec Noé, Nuh. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: certes, il était un serviteur. Il était un serviteur reconnaissant. وقال في آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Il dit au sujet du prophète عليه الصلاة والسلام, le dernier des messagers: gloire à celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur, afin que il soit pour l'univers un avertisseur. وقال في رسل آخرين: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويعقوب أولو الأيدي والأبصار. Et il dit la même chose. Il qualifia d'autres messagers et prophètes par le même qualificatif, c'est-à-dire le qualificatif de la servitude. Tout ça nous montre, hier, Juan, que s'ils sont qualifiés comme étant des serviteurs, فَلَا يَجُوزُ أَن نُصْرِفَ لَهُمْ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ وَشَيْئًا مِنَ الْأُلُوهِيَةِ وَشَيْئًا مِنَ الْرُبُوبِيَةِ لَا لَهُمْ ولا لملك مقرب كذلك, بل كل هذه الأشياء نصرفها لله الواحد الأحد. Et donc tout ça nous montre d'une manière claire que s'ils sont considérés comme des serviteurs, on ne doit pas leur vouer une quelconque forme d'adoration. On ne doit pas leur vouer une quelconque forme d'adoration. Ni on doit tourner cette adoration envers quiconque parmi les créatures honorables comme les anges. Toute notre adoration doit être vouée purement et exclusivement à Allah Azza wa Jal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat lillah rabbil alamin. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقوله ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Donc dans tous ces ayats, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié ses nobles serviteurs par le qualificatif de la certitude, de la servitude. ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. Et aussi on se doit de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé, a terminé le message ou les messages qu'il a fait descendre pour les êtres humains par le message du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a envoyé ce messager, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, pour la terre entière. Le prophète Mohammed a été envoyé pour l'humanité entière. Taïb. Wa Isa. Jésus. Hein, Ibrahim. Jésus. Il a été envoyé pour la terre entière. Hein, Ismaïl. Jésus, il a été envoyé pour la terre entière. Là. Ahsant, ya Ismaïl. Jésus n'a pas été envoyé pour la terre entière, il a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Et c'est la même chose pour tous les autres prophètes. Le seul qui a été envoyé pour l'univers entier, pour les djinns, comme pour les ins, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, comme a thabata dhalik fi le hadith sahih, alladhi dhukira fihi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal madha ha كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهذه من خصال ومن خصائص نبينا محمد. وبذات الحديث أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فيه وحلت لي المغانم ولم تحل أحد قبلي وماذا وبعث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الحديث en entier, le prophète عليه الصلاة والسلام dit au début du hadith, on m'a donné cinq choses qui n'ont pas été données à un autre prophète que moi. On m'a secouru par la peur d'une distance de un mois. On m'a accordé le bienfait que la terre soit pour ma communauté une source de purification et un lieu de prière. Une source de purification et un lieu de prière. Ça veut dire qu'on peut faire tayammum tout comme on peut prier sur n'importe quel ou dans n'importe quel endroit. Et ça, c'est propre pour cette communauté. Avant, les juifs et les chrétiens n'avaient pas le droit de prier ailleurs que dans leur lieu de culte. Ils ne peuvent pas prier dehors. Mais cette communauté, parmi ses spécificités, qu'elle a le droit de prier dans n'importe quel endroit, à l'exception des madins. À l'exception des cimetières et des étables de chameaux. Et plus tard, plus loin dans le hadith, il dit la parole que nous, qu'on vous a citée, et aussi il m'a été, j'ai été envoyé à l'univers tout entier, alors que les prophètes d'avant étaient envoyés qu'à leur peuple, précisément. Et c'est pourquoi il y a certaines sectes, parmi des sectes chrétiennes, qui reconnaissent la véracité du prophète alayhi salatu wa salam. Ils disent na'am. Nu'min bi'anna hunaka nabiyyun ismuhu Muhammad wa annahu mursilun min qibalillahi azza wa jal. Lakin na'taqid annahu nabiyyun lil arab faqat. فاعتقادهم لم يدخلهم في الإسلام حتى وإن شهدوا بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اعتقادهم لم يدخلهم في الإسلام ما داموا على هذا المنوال. Il y a des sectes parmi les sectes chrétiennes qui croient au message du prophète alayhi salatu wassalam, qui croit qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et qui croit que Mohammed est bel et bien son messager et son prophète. Cependant, eux, ils ont la ferme conviction que ce prophète est le prophète des Arabes. C'est tout. Et que son message s'arrête aux Arabes, c'est tout. Donc, eux, avec leur conviction, avec leur croyance là, ils ne sont pas rentrés dans l'islam. Ils ne sont pas rentrés dans l'islam, ils ne sont pas considérés comme étant dans l'islam. Ben, ils sont restés sur de leur mécréance. Et celui parmi les musulmans qui vient à croire cette croyance, il sort de l'islam. فَإِنَّ هَذَا آيَةٌ مِنْ آيَةِ اللَّهِ والكفر به كفر بجميعه ويعتبر ردة. Et celui qui pense que le prophète عليه الصلاة والسلام, parmi les musulmans, celui qui pense que le prophète عليه الصلاة والسلام a juste été envoyé aux Arabes, alors certes il a mécru au verset d'Allah عز وجل, comme celui-là, comme celui qu'on vient de citer. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dit au Mohammed, dit aux gens, ô gens, je suis pour vous, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Je suis le messager d'Allah pour vous tous. Taïb qala, wa nu'minu bi anna shari'atahu alayhi salatu wa salam hiya dinu l'islam alladhi irtadahu Allah ta'ala li'ibadihi wa anna Allah ta'ala la yaqbal min ahadin dinan siwa. لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب, parmi les choses auxquelles on se doit d'avoir la ferme conviction, le fait de croire que la législation avec laquelle est venu le prophète alayhi salatu wassalam n'est autre que l'islam. L'islam, la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour toutes ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera aucune autre religion en dehors de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera aucune autre religion en dehors de l'islam. Et ceci conformément à ses paroles où il dit, certes la religion à accepter auprès d'Allah est l'islam. Donc ça ne sert à rien de prétendre après cela une forme d'égalité de religion ou une forme de liberté de religion. On est libre d'être chrétien et le chrétien, il est comme le musulman ou la. Fait l'islam, inna ad-din 'indallahi l'islam. Non, le musulman, lui, il se doit de reconnaître que la seule et unique religion acceptée ou acceptable 'indallah, c'est la religion de l'islam. Et toutes les autres religions précédentes, soit elles étaient considérées comme faisant partie de l'islam, C'est-à-dire au moment où elles ont été révélées à leur messager, elles sont considérées comme faisant partie de l'islam. Mais lorsque les gens les ont altérées avec des modifications venues de leur plein gré, alors là, elles sont totalement réfutables et réfutées par Allah Azza wa Jalla. Tamam. Et il n'y a pas à dire qu'une religion est comparable à l'islam. Hada kadib. Une autre religion peut être comparée à l'islam là. L'islam, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. L'islam, c'est la religion qu'Allah a préservée pour ses créatures. L'islam, c'est la seule religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptera fil akhira. Et l'islam, c'est la seule religion qui t'amène au paradis. C'est la seule religion qui t'amène au paradis. Wa illa kullu al-adiyan, kullu al-adiyan al-ukhar taquduk ila an-nar, iyadan billah. Mais sinon, toutes les autres religions, elles t'emmèneront de près comme de loin, vers l'enfer. Ayyadam billah, et qu'Allah nous préserve. Qala wa nara anna man za'ama al-yawm dinan qa'iman maqboulan inda Allah siwa dini l'islam min dini l'yahoudiya ou l'nasraniya ou ghayrihima فهو كافر ثم إن كان أصله مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن لأنه مكذب للقرآن. كلام جميل للشيخ العثيمين. إلى شيخ العثيمين il nous dit ماذا il nous dit que il nous dit que il dit plutôt nous sommes de l'avis, c'est-à-dire les savants sont de l'avis que celui qui prétend, qui a la prétention de dire qu'il y a une religion autre que l'islam acceptée auprès d'Allah comme la religion juive ou la religion chrétienne ou autre, alors certes celui-là est un apostat, certes celui-là est un apostat à mécréant. Et si il est de base musulman, celui qui profère ces paroles-là, s'il est de base musulman, on doit lui demander de s'en repentir. S'il accepte, alors nul grief sur lui. S'il accepte de se repentir, nul grief sur lui. Aussi, et s'il refuse, alors il aura la sentence prévue à cet effet. Alors il devra subir la sentence prévue à cet effet. C'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a informé dans plusieurs hadiths que celui qui apostasie mérite la mort. Donc il aura la sentence prévue à cet effet, car il a démenti le Coran, car il a démenti les informations du Coran. ثم قال ونرى أن من كفر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن بي متبع له لقوله تعالى كذب قوم نوح المرسلين. Et aussi parmi les croyances qu'on a, c'est que celui qui dément un seul messager, celui qui dément l'existence d'un seul des messagers de l'islam, alors c'est comme s'il avait démenti l'existence de tous les messagers. C'est comme s'il avait réfuté l'existence de tous les messagers. Et c'est pourquoi il y a un Quran, la yal'abun alaykum haoula al-kafara lama mada yat'anuna fil anbiya bi'iddat طعونات العظيمة ويرسمونهم على رسوم يعني ماذا يستحيى من ماذا من مثل هذه الأفاعيل. فنحن ننكر من يقوم بهذا سواء كان يطعن في نبينا محمد أو سواء كان يطعن في عيسى أو في موسى أو في غير ذلك، فكلهم أنبياؤنا، كلهم أنبياؤنا، وكلهم من المحبين إلينا أيما حب. Et que ne vous trompe pas, que ne vous trompe pas certaines personnes mal intentionnées qui ont pour habitude d'insulter les prophètes. Ils ont pour habitude d'insulter les prophètes ou de les caricaturer. D'une manière dont on aurait honte de faire la même chose. Qu'ils ne vous trompent pas en vous faisant ou en excitant votre colère lorsqu'il s'agit de caricature ou lorsqu'il s'agit de critiques faites à votre prophète Mohammed et lorsqu'il s'agit d'autres prophètes, alors vous y êtes insouciant. Là, un musulman, pour lui, la parole sur un des prophètes, c'est la même parole qui concerne la totalité des prophètes, la totalité des messagers. On se doit de défendre et de lever la critique sur tous les messagers et prophètes d'Allah Azza wa Jal. Que ce soit Jésus, fils de Mariam, ou que ce soit Moussa, ou que ce soit Ibrahim, ou autre. On les aime tous, car on a la certitude que ce sont les hommes de l'islam. Ce sont les hommes de l'islam, ce sont les hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevés par cette religion. Et le dalil en soi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il nous informe au sujet du peuple de Nuh. Et il dit, كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh a réfuté ou a démenti les messagers. طيب. Le peuple de Nuh a démenti les messagers. Mais le peuple de Nuh, combien ils ont eu de messagers? Hein? واحد. وهو نوح. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, il parle au pluriel, ils ont démenti les messagers alors que ils n'ont eu qu'un seul messager. Parce que le fait qu'il démente Nuh, ça sous-entend qu'il démente tous les messagers. Tamam? Donc celui qui vient et dit, moi je crois en Jésus, mais je crois pas en Mohammed. En fait, il croit même pas en Jésus. Aslan. Celui qui vient et dit, je crois en Moussa, mais je crois pas en Isa et en Mohammed. En fait, il croit même pas en Moussa. وهكذا. وعلى هذا فقيس. قال فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسولا وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا هذا أوضح. Et ça c'est encore plus clair, ce verset là il est encore plus clair pour affirmer que celui qui ne croit pas en tous les messagers, il est certes mécréant aux messagers qu'il prétend ainsi que à tous les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certes ceux qui me croient en Allah et en ses messagers, ils veulent créer une scission entre Allah et ses messagers. Ils disent, nous croyons en certains parmi eux et nous mécroyons en certains autres. Ils veulent pouvoir trouver un échappatoire de par cela. Ensuite Allah il dit, أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ. Certes, ceux-là sont bel et bien les mécréants. وَأَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Et certes, nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. نَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ إِنْشَاءَ اللَّهِ. Le livre-là appartient.